بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Nulle communauté ne devance son terme ni le retarde. Et les Mécois disent « Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. » Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques ? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens. Et pas un messager ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. C'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Ils ne croiront pas en lui, le messager ou le Coran, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, il dirait « Vraiment, nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés. » وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embellie pour ceux qui regardent. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Et nous l'avons protégée contre tout diable banni. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Ils dirent, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? قال فما خطبكم أيها المرسلون. Et il leur dit, que voulez-vous, ô envoyé d'Allah? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ils dirent, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. À l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous. Sauf sa femme. Nous, Allah, avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. Puis, lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit, vous êtes pour moi des gens inconnus. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Ils dirent, nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Et nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Pars donc avec ta famille en fin de nuit et suis leurs arrières, et que nul d'entre vous ne se retourne, et allez là où on vous le commande. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Et nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là au matin seront anéantis jusqu'au dernier. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Et les habitants de la ville, Sodome, vinrent à lui dans la joie. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Il dit, ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas. واتقوا الله ولا تخزون. Et craignez Allah, et ne me couvrez pas d'ignominie. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Ils dirent, ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Il dit, voici mes filles, si vous voulez faire quelque chose. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe les saisit. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل.

Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Ceux qui associent à Allah une autre divinité. Mais ils seront bientôt. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et nous savons, certes, que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. وَاعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort.